de gent che sa bon come lo temps passe e io va sabi pa come le tempeste passano sulla vita e io va sabi trop. Sai pa o es de dire tem fages pa. La de gent senza betan come d'argent senza busse sian ense. Es che la de sense encare che sian da che li gent essenziao. Faut qu'il m'invagissio, perton la comme un magicien. Qu'un signe c'est signe de you, sauf prascution. Et les gars comme si on l'aura plus des tempestes, ben tout sain. Reste bien comme sieste, faut caguer si en faisant. C'est comme notre IFM, père très sans or. Et nous belles de ce fille loin, la vie de simple des camps et rien l'enfant. T'espérita, comme que la calme vengesse d'une ton espérie. Et qu'espérie, c'est le camp de ton corps féri. Et mis le flou par verre ton sourire, comme les amis fans. Passa ma main sur ta gaute fresquette, comme les gens de la mouffin. Si on tue et y'a une légende, une légende dans le curaçan. Respire la terre des canons, partirai mes démités, baïdes, senaï la lait. frègue Sainte Rita à vivre un dédicat. Voli passe à l'icuna et la classe à la cuna. Si l'un du milieu de la Christa. Menanirai, Kuntale, Sazun, Sentu. L'idée se passe à l'Uma, ouais c'est pas vous, pareil c'est pas un tau, c'est au tourmentau. Thank you. saison. Ça mérite une route aussi que c'est longue, par naquer au fond de la douce, la goutte douce que des dînes s'y viennent toutes les douces. بسوري يا عين بسوري في مليون نفس بعتمة عيوني عم تشكي من سواد النور في حلم مطمور ومصطبة وزوار عم بيرستوا ماضي الأيام الجاية بسوري يا عين بسوري Mérites une race belle ou en qui je te sers. Trombarai l'oussam et t'as perlo sous le couissi. Tu encara fatsun et un desperi aïsi. Que l'oussam y j'arrive en caparisca ton sen. Eu vendrai en gatsa. Din tus yeux une miral, une rebat mon retrats. Tu n'es mi corporal, tu m'barrais de conti in dita grande spirala. Te benrai un gazzan din gindar rembadal. Tu n'iris me farà dintra din tu nastrado. Tu n'es de lumen tien vendrà la dan ballando. Vaki, l'uten di somia passant. Espérirai que la passe sous tout temps brisée à nous là. Verrai les rétrains d'aura. S'espérirai d'il y va d'une amie ou ainsi. S'arrêt une joue à campa. Respirerai. E l'aurò di tempo passà. Tiens, tu es une drague pulide. Tu mon amigo, précise l'aigle. Vivez la vie de bord des ligues. Oh, pas de lila maman, mon quoi d'incise. Cacciai les damar en cara decisa. M'envo, m'envo. Tu n'as pas ma tira. Visqueri en pa en van. Nous moutons nous miro. La bouté mi calmo. Estrangelé. N'en perdi mon niro. A qui des remembres de douce vie. A que la vie d'un chus en resto. Estrangelé. Angi de ten de vague soumiado. Angi de ten c'è l'un des cafés mi piado. Sen fin d'enfant, sen van vivu, sen van esbru. Sun pichun de san besai pas un desen, sen van sen bru. Un desen disren, sen jiden, sen brulot, ti vueli tu. Un desen existo pa, en fin, existi pu. Ai de sau di me sau me de san de faune de sau pu. De centenau, de centau, remoire que m'aurien defendu. Si o parau le d'or, parli pare, qu'est d'art, testar descendendo par la mu. Est-ce que star parlant d'armadu, pas d'armadure, parli l'âme pure, ma langue dure, tant vivo t'a convaincu. Est-ce consensus, langue fuste crèze, est-ce qu'est-ce loup par la gus, fatus loup faux, est-ce fous qu'en va, est-ce faux, est-ce fraille, un maïk, est-ce au qu'est pensi, qu'a bien crèze aigu. Femme des feux, c'est un fée, un fille, est-ce vent faux, fal ou verbellus. Faux des feuilles, fous que des rimes, juste perd pas perdre élus. Est-ce l'espère qu'est ma permesse, dit l'hermas de ses forts patus. Est-ce impresse des traces, la moire qu'est dit mon quariatu. Seu leão de. La megelade, la mangina de l'ugibre, sta come il labbro in mon pitre, sabre su tutte le cade, mi brega liura, gutto de vida. Che dega le guste, si io l'odio e la faula, e la faute che brûle, e la fan se infile, in fan se infile per li dire tam. Si è un lutelas che passa lei. Un tema in vent, des gains, li va, des traces, les vents, che lo vent divers, si leve, si lava ma paraula lourda. Mi si è un nega, dis une dourgue sec, senti de goutte. Un angimi tu che è l'un, ce la fousse che mon bouffe, sa mousse, escuta. Ma lingua si gana des routes. Si è un la fruce pouillie de la lutte perdue de d'aqueste époque, lo vuide, lo bouse, de la lune, à lui que lo pousse, et juste, si è un la juste, lui s'escuta. Capiti plus des dormis, et piti plus, et pieta plus, capissi plus des mourir, des cours et font rire, capiti plus d'espace à la main que mon cuore si tant que tant. L'opus de la reine, l'opus tu l'as de la poste, où est-il la pousse, poudre à la bouca. Langue morte, estré brut, l'être mute, les ça brûle, à lui, ça luca. La gide, tout sous dit mon quoi sous, si ou ça d'où même va, ou mal, est-ce mort, ou plus, est-ce mort, gay. Tu sens ce qui va, ou à quel monde, et c'est un coulou. Perdi, l'espère, caille, père, que nous saille, espère, est-ce qu'on est, et l'espère, tu l'as, si ou l'aspré, la presse. Quitte le monde endormi et quitte tout à miette, je lus capris si tu démonises, quitte à des sourires et capite, pu dépasse à la main et mon coeur, c'est stack tant. Éveil ici, soit au bourrin d'un pivet ou de la nuit, la sète ivresse, par les ours crémades et la rose d'estieux, que va tomba. Ma fèbre, partirin de vers l'adré d'une lampe, qu'as acquis, kumako, que si faux anana. Quand sera mort, m'entorore, olpi. Senti de caminho. l'une des huiles dans mon débris. Toi et mes amis. Y'aura des fruits de poune en l'élevage. S'il est vada l'aube finale, ça sera l'aube du monde un peu perdu. Ça sera vengu l'outen de l'île où y'a tant. Et des mondes, mitant au monde, où t'es même beau, dès qu'il y va. C'est où la jalousie et maille l'amour, la moire et la rosie. La racine d'Artémise et la feuille d'anis. C'est où nous soulez ou des manganes, qu'est-ce qu'un gars, c'est des toits, c'est du jamin, qu'est-ce qu'un car, c'est sa fondre infime. Ça sera y bel et au maille, mais qu'une libre et sainte-en, jamais vie, aucune bataille. Ma parole est ma vie, de la vie de tu veux, je serai là, liaison signe.